sang sur le front de mon père. Un putain de bif, la mire, un sourire en plus au visage de mon frère. Le dos large, le cœur étroit. Le cœur étroit. Ta relation sur une pesette, si t'écoutes pas, madame est froide. Ce soir j'entre pas à la maison. À la maison. Les portes se ferment et puis ne s'ouvriront qu'à la prochaine saison. La misère dans un SLR, rentrer, tourner, sortir ses lèvres. La vie me donne son cul, je connais pas le goût de ses lèvres.